La nouvelle édition de La Solitude s'imprime aujourd'hui. Il fait noir, il pleut et le froid se lève lentement. Les ingrédients s'installent pour une dépression piquante et fatale. Cette semaine, et ça jusqu'à l'épuisement du concept. Hey, tu commences par un texte poétique! Ben oui. Je crois que la poésie doit s'accrocher aux mots comme Tarzan sur sa liane. Et qu'est-ce que fait Tarzan? Il fait « Où sont les mots? Où sont les mots? Où sont les mots? Où sont les mots? » C'était beau la chanson de Agnès Bill. Très, très, très, très bien senti et ressenti, sublime. J'ai eu la chance de la rencontrer à Paris en 2010, et je vous le fais partager aujourd'hui et pendant quelques semaines. Pendant la période des fêtes aussi, à Noël, Agnès Bill sera avec nous. Tous les gens que j'ai vus en juillet, vous allez entendre aussi mon ami Didier Ouvrard. Et puis, vous allez vous amuser la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Je ferai la transition avec vous à CKRL, le 89.1 à Québec, la radio qui ose. Et puis, je ferai 18h, quoi, 16h, 18h, 18h de radio, 16h, enfin, beaucoup d'heures. Beaucoup d'heures. Et puis, à cette heure qu'on est là, écoutons Astor Piazzolla. Ben non, Astor Piazzolla, c'est pas maintenant. C'est pas là, c'est quand? Ben, je sais pas, là, mais c'est plus tard. Et puis, vous allez voir des grands concepts. Des filaments humoristiques. Nous allons nous amuser. Ah, mon, nous allons nous amuser. Ben, j'espère, comme d'habitude. L'habitude, c'est quoi? Ben, c'est de s'amuser. S'amuser. Cette semaine, et ça, on allait la fredonner, là. On la fredonne pas. OK. Excusez-moi. Est-ce que tu n'as pas fait attention? Je fais attention. Je ne recommence plus. Je ne recommencerai plus. Tu es un garnement. Je vais au régiment. Oh! La ronde régiment préférée du capitaine des galons. Eh, peut-être que je vais présenter les meilleurs moments à un moment donné, là, vers 2-3 heures du matin, là, quand je suis plus capable, là, je suis couffé, là, je peux dire un mot, là. Malade, fais pas d'émission, t'es plus capable de dire un mot. Mais j'en dis rien, et ce sera Québec jusqu'à la fin de mes jours. Comme Pierre Lourgaud. Et puis Pierre Bourgaud, jamais dit. Pierre Lourgaud, René Béguerre. Et puis Jean de la Pompaine. Je dirais que le Québec doit mériter son Québécois. Comment? Le Québec doit mériter son Québécois. Ok, c'est bien là. Il faut quand même s'arrêter ici. Descendre le micro, baisser la sono, mettre moins de distorsions et dire que le Québec mérite son Québécois. C'est fort, là. Il est présentement 1h, presque 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey, c'est précis, là, hein? 1h, près 5, 6, 6, 7, mais hey, le Québec mérite son Québécois. Et son Québécois mérite également son Québec! Cette semaine, et ce, jusqu'à l'épuisement du concept, on vit des moments. Des moments. Nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons un bras de mot sur lui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, la fin de l'éclure, de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe. Là, je tiens à vous dire, là, avant de dire le mot ou le verbe, là, ben, je voulais vous le dire, c'est le mot foule. Puis là, ben, la chanson d'Edith Piaf m'arrive à la tête, là. La foule qui se défoule et qui repoule et reboule et boule et se met en boule. Mais quand je parle, là, puis que, au début d'émission, chaque errance rénaldienne, j'ai des postillons, je vous le dis souvent, je postillonne sur les feuilles. À chaque fois que je la remets en dessous, je me dis, ça va coller. Quand je vais revenir, ça va recoller. Mais non, mais ça sèche. Ça sèche. Alors, la foule, s'empoule, madame la ministre. Elle ne veut pas s'éclairer à la réflexion fondamentale de la vie qui est, quand on va loin, on châtie pas bien, non? Qui est, lorsque l'on se défoule, on s'attire un mal de dos. Oh, non, c'est pas ça que tu veux. Lorsque l'on se défoule, on cherche la libération. C'est pas improvisé, ça, là. Non, mais je sens que l'inconscient est de plus en plus conscient. Bon, OK. Alors, premièrement, là, pour entre... Si madame, mademoiselle, messieurs, vous êtes ce soir devant votre radio. Vous êtes seul, il fait noir, OK? Vous avez des écouteurs, sans doute. Mettez vos écouteurs si vous n'avez pas d'écouteurs. Écoutez, mettez des écouteurs. Madame Tremblay, écoutez, mettez des écouteurs. J'ai pas d'écouteurs. OK. Mettez-vous deux radios entre les oreilles. Ah, ça fait comme des écouteurs. Ben, écoutez-moi des écouteurs. Ah, oh, mettez-vous des écouteurs. Bon, entendez-vous des écouteurs. Ben, j'entends des écouteurs. J'attends quelques minutes, OK? Quelques minutes? Qu'est-ce que tu vas faire pendant quelques minutes? On va faire une plage musicale. Oh, mon Dieu. Moi, les plages musicales, j'amène pas ça. Je sens l'émotion à chaque virgule, à chaque mot que vous nous dites, mon cher monsieur Gagné. Bravo! Bon, OK. Ça fait vous, les écouteurs? Mais je vous écoutais, moi, là. J'étais comme abreuvé. Lâchez l'abreuvage, madame Tremblay, puis collez-vous à vos écouteurs. J'écoute l'écouteur. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les écouteurs? Ben, ils me disent que vous parlez. OK, je parle. Oui. Alors, vous m'entendez? Je vous entends dans vos écouteurs, dans mes écouteurs. OK, écoutez-moi dans vos écouteurs. Je vous écoute dans vos écouteurs. Mais c'est pas mes écouteurs, c'est vos écouteurs. Hey, lâche-moi l'écouteur. Ben non, non, tenez vos écouteurs. Hey, écoute-moi bien, là. J'ai mes écouteurs. OK. J'aimerais que tu me parles dans mes écouteurs. OK, vous m'écoutez? Je vous écoute, je t'écoute. Dans mes écouteurs? Dans mes écouteurs. C'est les miens ou les vôtres? Mais c'est les miennes! Les miennes. C'est mes écouteurs. OK. Et puis? Ben, émettez-moi dans mes écouteurs. OK, vous voulez que je vous émette? Ben, émettez-moi. Je vous aimais. Oh, moi aussi je vous aimais très cher. Et je vois que même tenant l'abîme se déprime. Oh, peut-être. Nouveauté. Sors de ce corps, mille trésors. Oui, cet atelier d'improvisation se consacrera aux esprits. Oui. On est rendu, là. C'est un autre numéro qui nous fait... Oh, non! Les numéros tournent les rôtiques majuscules. Les numéros... Nouveauté! Il l'a dit. Je répète. Nouveauté, sors de ce corps. C'est ça peut-être mieux avec l'écho. Nouveauté, sort de ce corps. Oui, cet atelier d'improvisation se consacre aux esprits. Oui. Nous discuterons avec une personnalité morte. Aujourd'hui, entrons en communication avec... Mettons les mains sur la table. Oh mon Dieu, quelle étable! Les vaches sortaient des étables! Et mon Dieu, ça donne plus de lait, ces vaches-là. Ah, on sait... C'est des vaches à 10. Les vaches à 10, sortez! Les vaches à 100. La vache à 6. Les chats aussi, restez là. OK? On va appeler un fantôme hollywoodien. C'est pas vrai. C'est qui? Ah, on sent le... Sentez-vous la communication? Ben, je sais pas, mais il y a des spasmes sonores. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Ben, on va vous dire le spasme. Attendez, c'est Humphrey Bogart. Oh non, on va appeler Humphrey Bogart. Où est-ce qu'il est? Ben, il est au ciel. Au ciel, au milieu. Gratte-moi le dos. Cherche-moi l'enfantie. Il y a des fantômes. Humphrey Bogart. Humphrey, il arrive. Humphrey Bogart. Tu sens Humphrey Bogart? Je le sens. Ça sent sa cigarette. Oh, la cigarette Humphrey Bogart. Humphrey Bogart. Son regard. Son regard. Sens-tu aussi son gin? Non, c'est du whisky. Sens-tu son whisky? Son whisky. Humphrey Bogart. Si tu m'entends, fais deux coups. Un triple guard. Si tu m'entends, émets deux coups. C'est un anglais, un triple guard. C'est un American. Un triple guard. M'entends-tu? Il m'entend. Un triple guard. Si tu es là, frappe deux coups. M'entends pas très bien. M'entendez-vous bien? Êtes-vous synchronisé au 89.1, 89.1, InfoBogard? 89.1, m'entendez-vous? Oh, il est à 5KRL. Vous entendez 5KRL? Aimez-vous 5KRL, InfoBogard? Oh yeah! InfoBogard, on vous aime! 5KRL, InfoBogard! Oh yeah! InfoBogard! Tranquille. OK. Ça va bien? Parfait. Oui, pour une fois. Hein. Puis non, pour zéro fois. Humphrey, tu m'entends? OK. Dis-moi, Humphrey. Oui. Humphrey? Oui. Je traduis, excuse-moi, Humphrey. Oui. Humphrey, je suis un con. C'est quand? Je suis inconséquent. J'ai eu peur, voilà. Excuse-moi, Humphrey, c'est moi qui a frappé. Humphrey, c'est pas toi, c'est moi. OK, Humphrey. Lâche-moi, Humphrey. Bogard, tu m'entends, Bogard? Bogard. Will you run with the river?

L'errance rénaldienne, complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels, comme je vous disais depuis tout à l'heure, si vous me suivez depuis combien de temps, là? Ben depuis trop d'heures. Non, ben comment ça, trop d'heures? Trop de l'heure. Je suis pas à trop de l'heure, moi, là. Je suis pas une prostimulée. Oh, t'es d'une mostimulée. Oh, je suis trop stimulé, moi. T'es trop stimulé. Dis-moi, toi, là, attends un peu. Tu me dis que t'es trop stimulé. Ben, tu me compares à une trop paripatéticienne. Une trop... Hey, c'est ça. Ben, tu l'es... L'êtes-vous, mon cher monsieur? Marche béton, tu aimes rouler le monde, je rénirons des rangs, je rècherons les rangs, je rèche mon père. Je lèche mon perron, je rèche ma néron, je boisse mon néron. Attention. Je n'ai qu'un... Un quoi? Un neurone qui se ronne à la solitude de l'Agnès Bill. Oh! Tu as un kick! J'ai un kimono sur Agnès Bill! Ben, écoute. Agnès Bill, il y a deux filles que j'ai rencontrées en 2010. C'est Agnès Bill, puis la fille, tout attachée. Oh! La fille quoi? Tout attaché. Tu prends qui pour... comment qu'il s'appelle, donc, l'humoriste, là? Jenny Ball. Ben voyons donc, je sais pas, les Ball. Le moment s'invite à nous pour un élan rénaldien. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous divirginera. Comment? Oh oui, en parlant de divirginerie, pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent via les vidéos, ce que vous voyez en arrière-plan, là... comment? On comprend rien. OK, mon émission est audio, mais aussi vidéo. Si vous regardez, allez sur ckrl.qc.ca, vous allez voir mes liens, allez sur mes liens, vous pouvez m'écrire, faire tout ce que vous voulez... Abusez de moi. Oh mon, garde-moi le cinglé. Mais faites que ce que vous voulez. Et puis... En arrière, derrière, peu importe, lâche-moi le derrière, puis en arrière, c'est, je peux être violent, moi, là, tu es violence comme les rondelles, tu cherches la volupté et elle à s'exprimer, oui, alors c'est Sophia Caporel, Sophia Caporal, la caporalose, Sophia Coppola. Oh, faut faire attention avec la mafia, Sofia Coppola. Non, c'est pas la Coppola, la mafia, là. C'est les parents de son père. Son père est dans la mafia? Non, il a décrit la mafia. Il a décrit la qui? La mafia. La mafia? C'est l'heure difficile. C'est l'heure fragile où l'être peut s'exprimer à travers des violences, des friolences que cherche le mot à regarder. The Virgin Suicides. C'est en arrière de moi si vous me regardez. Sur mon site internet ou sur YouTube. YouTube qui est bien entoubé à l'errance rénaldienne. Mais elle a pas le choix. Mais c'est vrai. Alors le moment... s'invite à nous pour un élan rénaldien, une consonance de l'esprit nous amènera le moment s'invite à nous, tu l'as dit, pour un élan rénaldien. Un élan rénaldien, il est tard là. Il est pas tard. Hector est endormi. Je pensais que t'allais dire Hector est mort. Il peut pas mourir, il est pas vivant. OK. Une consonance de l'esprit nous amènera, nous divergera. Non. Nous dirigera. Nous divergera ou nous dirigera? Je préfère diriger. OK. Nous dirigera vers des sillons créatifs. Allons planer vers les couloirs de l'improvisation avec ce filarian narratif. Lâche ton flingue, mon fusil! Lâche ton flingue, mon fusil. Moi, j'ai trouvé ma pine. Toi, tu trouves ton orgelet. Moi, j'ai trouvé la vigne. Et moi, voilà le chalet. Et tout, partout. Tu trouves le flingue. Tu trouves le fusil. Tu trouves les douilles, mon andouille. Je trouve les douilles. Moi, la douille qui sourit. Tu souris à la vie comme cette éclaircie qui cherche l'ennui au milieu de... C'est la fin. Oh, c'est la fin de la chanson. Préparez-vous au choix, Madame Tremblay. J'en ai plus. Prenez votre chemise. J'en ai plus. Prenez votre... Cabinet. J'en ai plus. Qu'est-ce que vous avez? Je n'ai plus rien. Oh, ne cherchez plus rien ce soir. Le gaminet s'est échu sous la couverture de l'anonyme. J'écoute un peu tout, j'ai un faible bon, pour la chanson à texte, ça c'est certain. Brel Brassens, Gainsbourg. Voilà, Brel Brassens, Gainsbourg, Boris Vian, Léo Ferré, Nougaro, Bobby Lapointe, Anne Sylvestre, Barbara. Agnès B. Je m'écoute pas pour le coup. Non, j'écoute en boucle mes disques quand je suis en train de les faire pour voir justement ce qui manque, ce qu'il y a en trop et tout. Puis une fois qu'ils sont sortis, je les écoute pas. Tu arrêtes. Ouais. Tu ne réécoutes plus tes. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'autre jour, j'étais.

interpellé par autre chose que la radio. Comment? Eh, voyons donc, les gens ne sont pas concentrés. Oui, mais dans concentré, il y a... centré. Oui, aussi, mais il y a... centré. OK. La référence se lance à la poursuite de la globalité, sans en analyser... Comment? En analyser. Analyser. Ben, analyser, analyser, analyser, OK. Analyser sans suite. Non, analyser la spécificité. Eh, mais on n'a rien compris de ton texte. T'es-tu un globalisateur de mots irréguliers puis incompréhensibles? Ben non. Non, je ne suis qu'un poète à la recherche de la répète. Mais on va répéter. OK. La référence se lance. Le monde s'endort, là. Le monde s'endort. Ton moulin va trop vite. Le monde s'endort. Ton moulin bat trop fort. Ton moulin bat trop vite. Ton moulin bat trop fort. Ton moulin bat trop vite. Ton moulin bat trop fort. Et là, les gens ont été secoués. Il y a quelques secondes. Même pas des minutes. Même pas des minutes. Des secondes. Avec la chanson d'Agnès Bill. Qui s'intitulait... Qui s'intitulait peut-être une musique, mais je sais pas. Qui s'intitulait quelque chose. Ben, c'est bien certain que ça s'intitulait quelque chose. Puisqu'Errance Grenadienne l'a diffusé. Oh oui! Ça s'intitulait Merci Maman, Merci Papa. Très, très belle création de mon amie Agnès Bill, que j'ai rencontrée en juillet. T'allais dire en janvier, il faisait chaud comme en juillet. En juillet, à Paris, les gens sont morts! Comment ça? Ben oui, les itinérants! Oh mon Dieu! Pour eux, sans blague, là, pour les gens qui vivent dans la froideur et qui ne peuvent pas se réchauffer et qui vont mourir cet hiver, parce qu'il y en a beaucoup qui vont mourir cet hiver. Ben, on va s'arrêter peut-être une minute. Hey, une minute, c'est long. Ben, une minute, c'est long quand on meurt aussi, hein? OK? Ça n'a pas fait une minute, mais... quand même, c'est voulu. Encore et encore, replaçons les pendules à l'heure, repassons sur l'histoire comme un laboureur à peine bourré, relatons la biographie d'une icône illustre du passé, revisitée ici et maintenant. Ça te paraît assez long, hein? Moi, là, 30 secondes, c'est 2 heures. Imagine-toi, un individu, un humain, qui est au grand froid, et qui ne sait pas comment se réchauffer. Alors, on s'arrête? On s'arrête pas, on continue. OK. Alors, c'est la joie, là. C'est la joie, on rigole. Oui, on rigole. OK, on rigole. Il y a de l'eau qui coule sur les... c'est sur les amoncellements des toits, et on appelle ça des rigoles, hein? Ah, mais il rigole! Il rigole, oui. Il rigole lorsque ça dégoutte sur le toit de l'avocat qui vient dire, ben, la maison, là, il y a des problèmes techniques, là, hein? Oui, quel problème technique? Elle coule, là, mais elle coule sur votre tête! Vous rigolez? Ben oui, mais c'est la rigole! Biographie d'une icône, Claudette Lagaffe, alias Madame Claude. Madame Claude qui a fait des films passablement claudiesques. Oh, Claude! Qui avait pas de budget. Oh non! Lorsque... la cinématographie. Non, le film... s'annonçait à... non... attendez, là. Arrêtez de parler. Mais on peut pas parler, on peut pas en placer une. Une quoi? Une idée? Ben, l'idée vient de moi, là. OK, Madame Claude, là, elle était allumée d'une imagination sans extravagance. Elle s'est bien dit, là. Elle voulait que ses comédiens étaient nus devant la caméra, nus devant l'émotion, nus devant tout ce qui était... Iconique. Je le connais pas, lui. C'est qui, Iconique? Iconique, on t'appelle. On demande Iconique Lafontaine. C'est pas Iconique Lafontaine, c'est Iconique. Iconique qui? Iconique. Iconique. Est-ce qu'il communique, Iconique? Il communique pas iconique parce qu'il n'est incommunicable. Il est dans l'image iconique. Iconique est dans l'image iconique. Yeah, arrête de répéter, on dirait que t'es un répéteur. Je ne suis qu'un répéteur qui... Qui transperce l'émotion. c'est beau. Qu'il transperce, oui, il transperce l'émotion. De la nouveauté, oui. De la nouveauté, hébergeons à partir de maintenant un nouvel atelier d'improvisation. Offrons-nous un peu de septième art dans les oreilles. Amorçons le numéro avec un court extrait cinématographique et enchaînons sous l'inspiration et la transpiration du moment. Aujourd'hui, nous incrusterons sur la surface écranique le film Paris. Paris est un film français de Cédric Clapiche, sorti le 20 février, attention, le 20 février 2008. Bon, à 40 ans, c'est pas pareil, voilà. Hein? Toi, tu connais pas les hommes, hein? Les hommes, ils aiment pas les femmes comme moi. Les femmes qui ont des répondants, ça leur fait peur. Non, c'est des petites jeunes, un peu connes, qui plaisent le plus. Mais quand même. Écoute, les femmes comme toi, là... Les Clapichiens, les Rénaldiens s'illuminent vers toi, là. Arrête de te déduire à une dissolution trop fade. Tu es épicé. Épicé de beauté, épicé d'humour. Épicé quoi, là? Épicé quoi ton problème, ma petite? Hein, c'est épicé. Épicé, c'est bon, hein? Épicé quoi, épicé? Épicé. Épicé quoi, là, la vie? Des tumultes. Des oscillations de solitude, des oscillations de compréhension, des oscillations d'intelligence qui un jour gravitent au grenier, mais jamais, jamais à l'errance rénaldienne, puisque nous sommes dans le sous-sol de l'intégration, de la communication et surtout de la sextotramination. Et c'est quoi ça? C'est bien sûr, j'ai pas dit, c'est quelque chose d'étrange venu d'ailleurs. Quand c'est ailleurs, ben c'est pas ici. Quand c'est pas ici, ben on aime ça. Ça nous enrichit. Ça nous amène vers d'autres horizons. Oui. Tantan. Je drague comme un crabe, avec tellement de choses à regretter. Comme ta langue sur mes lèvres et mes mains sur tes poignets. Dis-moi que puis-je y faire si je ne sais faire que traîner. Car tu es loin et moi je crève de ne pouvoir te toucher. Et je drague comme on crève, avec tellement d'envie à ravaler. Mais si ma bite et mon cœur font grève, je peux très bien me toucher. Si ma langue traîne par terre, je peux très bien l'avaler. Car tu es loin et moi je crève de ne pouvoir te baiser. Oh mon amour, je crève de ne pouvoir t'enlacer. Oh mon je crève de pouvoir te baiser. Mais si un beau jour je cède, pourras-tu me pardonner? Mais si un beau jour je m'achève dans l'infidélité, penses-tu que l'on se relève de tous ces corps si étrangers ou que l'on en crève?